Puis toi, es-tu un descendant des naufragés de la chanson? Oh non, non, moi c'est une autre histoire. Mais la plupart des gens de mon village sont des arrière-arrière-petits-enfants des naufragés. Puis les fantômes de tout ça? Les fantômes? C'est nous autres! Tu veux dire que vous jouez les fantômes pour faire peur au monde? Ouais, c'est le seul moyen que les anciens ont trouvé pour protéger notre petit paradis. Puis c'est pas bien difficile. Faut croire qu'ils ont tous quelque chose de mauvais sur la conscience. Quand ils nous voient avec nos déguisements, on dirait chaque fois qu'ils ont vu le diable en personne. Je suis pas sûre de trouver ça très correct. En tout cas, c'est drôlement efficace. Ouais. Je commence à avoir une petite faim, moi. J'ai des biscuits dans mon sac. En veux-tu? Ouais. Puis avec de bleuets, ça va être un vrai festin. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu les aimes pas, ceux-là? Non, c'est ça, là. Quoi, le sac? Ouais, j'aime pas ces affaires-là. On en trouve souvent sur la plage. Ça vient de par chez vous. C'est la main qui les amène ici. Ça salit les plages, puis c'est pas bon pour les poissons, les phoques, puis les oiseaux. En plus, avec le vent, ça revole partout. On en trouve jusque dans le bois. Ça me met en colère.